Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, une célèbre série adaptée au grand écran. Aucune équipe ne ressemble à celle de l'agence Tourisque. Quatre hommes, hyper qualifiés et autrefois membres respectés d'une unité d'élite de l'armée, sont chargés d'une mission classée top secret destinée à les piéger et qui les conduit en prison pour un crime qu'ils n'ont pas commis. Mais la somme de leurs talents leur permet une évasion sans accroc. Devenus des rebelles, ils décident de blanchir leur nom et de retrouver les vrais coupables. Accusés d'un crime qu'ils n'ont pas commis, n'ayant aucun moyen d'en faire la preuve, ils fuient sans cesse devant leurs poursuivants. Aujourd'hui, pour subsister, ils emploient leurs compétences. C'est du délire, boss. Et ça ne fait que commencer. Là, vous m'intéressez. Je t'ai manqué. Toi, tu m'as grave manqué. Quand la loi ne peut rien pour vous, il vous reste un seul recours. L'agence Tourisque. L'agence Tourisque, 100% action, un DVD, Fox Pathé Europa.